pour la lecture de la parole. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel sura ki ya tisa. Daniel au chapitre 9. Daniel sura ki ya kenda. Nous prenons le verset 25. Tutachugua mustari ya makumi mbili na tano. Verset 26. Na makumi mbili na sita. Père céleste. Baba wa kumbingu. Humblement ce soir, nous venons en ta présence. Na unyenyekevu wote mangaribi ya leo tunakuja muwepo wako. Nous ne connaissons rien. Sisi atujue kitu. Et nous ne comprenons rien. Na atuelewe kitu. À condition que le Saint-Esprit descende. Si pourquoi tout le monde t'agatif à kishuke. Pour parler à nos cœurs. Dieu a posé ma namio yetu. Et pour nous révéler ta parole. Na Dieu a kutofuno ilia neno lako. La parole prophétique. Neno ya unabii. A toujours été une parole difficile. Ine kalaka kila mara neno ya nguvu. Et sans toi, personne ne peut saisir la pensée. Bila wewe, hakuna mtu wa kushika wazo. Mais elle est une lampe à nos pieds pour nous éclairer. Alakini yo ni taa kumigu zetu juu ya kutuangazia. Afin que nous sachions comment il faut marcher dans ton royaume. Ili tupate kujua namna ya kutembea mufalme wako. Bénis cette église d'une manière particulière. Bariki kanisa namna ya upeke. Bénis les frères et les sœurs en toutes choses. Ubariki banduku na badada mukila kitu. Et même les frères qui nous suivent en ligne. Ata wanduku wanatufuata ku internet. Soit avec eux, Seigneur. Upate kuwa nabo Bwana. Bénis cette parole qui sera lue. Ubariki neno itasomewa. Accorde-nous suffisamment de la grâce. Utupatie neema ya kuneana. Des termes pour apporter ta parole. Namisemo juu ya kuleta neno lako. Seigneur, merci. Bwana asante. Sois honoré au milieu de nous. Uheshimiwe katikati yetu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel 9. Danieli sura ya 9. Verset 25. Mustari ya makumi mbili na tano. Sache-le donc et comprends. Uijue basi na upate kuelewa. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Tangia wakati ile neno ilitangaza ya kwamba Yerusalema bataiengulula. Jusqu'au Messie au conducteur. Kufika na ku Messia kiongozi. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Kunakuwa majuma saba na majuma makumi sita na mbili. Les places et les fossés seront rétablis. Mabiwanza na mashimo wataitengeneza. Mais en des temps fâchés. Alakini ni manyakati ya mbaya. Après les 62 semaines. Kisha majuma makumi sita na mbili. Le Messie sera retranché. Masia atatosheka. Et n'aura pas de successeur. Na astakuwa na wakumukombola. Le peuple d'un chef qui viendra. Taifa ya mkubwa ile itakuya. Détruira la ville et les sanctuaires. Itaribu hekalu pamoja na muji. Et sa fin arrivera. Na mwisho yake tafika. Par une inondation. Kupitia na. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Imeshikwa kwamba waribifu itagawia kufika na mwisho ya vita. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. J'aime attirer l'attention de chaque frère, de chaque sœur. Minapenda kusopesha kila ndugu na kila dada pate kuteka sikio. la parole prophétique n'a pas toujours été aisée pour comprendre. Neno ya unabii haikalaki kila mara mwepesi kuelewa. Et vous devez être très attentif. Na munapashi kuteka sikio kabisa. Pour comprendre ce que Dieu a besoin de nous dire. Ili mupate kuelewa kile Mungu anahitaji kutuambia. Nous avons commencé à vous montrer, à insister sur le verset 26. Tulianza kuweka mkazo yulu ya mstari ya 26. De Daniel au chapitre 9. Ya Danieli sura yake ya 9. Mais nous nous sommes arrêtés avant d'évoluer avec ça pour faire un point sur les erreurs que les adventistes et les témoins de Jéhovah ont commis. Mbele ya kuendelea tulifungula mkato juu ya kuonesha makosa ile wa adventiste na washauri wa Jéhovah walifanya. En faisant leur calcul sur les 70 semaines de Daniel, mkufanya mahesabu yabo yulu ya majuma 70 ya Danieli, parce qu'ils n'avaient pas tiré attention à ce qu'avait dit l'ange à Daniel dans Daniel 9 au verset 24. Sawa vile awakuangalichishe mzuri ile malaika alimwambia Danieli ku sura ya Danieli chapitre 9 sura ya 9 dans son verset 24. Mumustari ya 24. Et ils ont voulu appliquer les 70 semaines de Daniel qui concernent uniquement Israël sur aussi les nations. Baripenda kutumia majuma 70 ya Daniel yenye kuelekea Israeli baripenda kuitumia kuma taifa. Et pourtant les 70 semaines de Daniel Japo ne concernent pas les Juifs. Japo et ne concernent pas les nations. Japo majuma 70 ya Danieli yayo aielekee ba mataifa hapana. C'est un calendrier dans lequel ou ce sont les années dans lesquelles le plan d'Israël du salut est exposé. Ni kalendari wana ni mapu ile mapu ya wokovu ya Israeli inatandikwa mzuri. Le 70 semaines de Daniel parle du salut d'Israël. Majuma 70 ya Danieli yayo inasemea tu yulu ya wokovu ya Israeli. Alors, appliquer les 70 semaines et à la fois aux Juifs et aux nations, c'est commettre une erreur et les calculs ne sont pas justes. Kutumia majuma 70 ya Danieli na kubayuda na kumamataifa ile ni kosa na hesabu haitakuwa mzuri. Maintenant, je recule un peu. Sasa narudi tena kidogo nyuma. Parce qu'hier, j'ai vu que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Wani jana naliona ya kwamba watu mingi hawakuelewe hapana. Alors, je retourne encore un peu en arrière. Narudi kwanza kidogo nyuma. Pour vous montrer les choses comment ça doit se passer. Juu ya kuonesha namna kani vitu vitafanyika. Suivez-moi là très bien. Munifate mzuri. Depuis l'ordre de rebâtir Jérusalem, tangia ile agizo ya kuyengulula Yerusalem, jusqu'à loin, kufika na kumpakaliwa wana masia, il y a 7 semaines et 62 semaines si nous y peut venir. Kuko majuma 7 na majuma 62 de l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin. Tangia agizo ya kuyengulula Yerusalema kufika na kumasia wala mpangalio wa mafuta. Il y a 7 semaines. Kuko majuma 7 et 62 semaines. Na majuma 62. Nous avons déjà enseigné et dit ceci. Tunesha fundisha na kusema hivi. Écrivez Musée. En 1606 avant Jésus-Christ. Mon 1606 mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo. En 1600. 1600 et 6. Vous qui écrivez, soyez rapide. Et en s'il vous plaît. C'est en 606, en l'an 606. Manaki ni mumia 606. Mia sita na sita. En l'an 606 avant Jésus-Christ. Mwaka wa 606 mbele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. C'est le début de la captivité. Là, ça sera trop long. Vous ne saurez pas effacer tout ça. Je mwanjo seulement ya ufungwa. 606 début captivité. Début. Effacer seulement tout ça. Ça ne va pas convenir. Nous avons un petit tableau. Vous avez beaucoup de choses à écrire. C'est ce que je ne voulais pas. Il fallait que... Si vous écrivez seulement 606. Le reste, l'Église écrit le reste des paroles. Kanisa etandika yote niko nasema. En 606 avant Jésus-Christ, c'est le début de la captivité. En 538, c'est la vision de Daniel. Hapa ni ono ya Danieli. Et Daniel avait déjà fait 68 ans de la captivité. Daniel alikuwa ameshafanya miaka 68 mbufu. On a déjà parlé de ça, tout le monde comprend que quand nous parlons de 538, c'est l'année où Daniel reçut la vision. Mwaka wa 538 ndio pale Daniel alipata ono. Mwaka wa 536 c'est la fin de la captivité. Jo mwisho ya bufungwa kwa watoto wa Israeli. Fin de la captivité. Mwisho ya bufungwa. Dans la même année, en 536, mwaka moja moja ile ya 536 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus, mfalme Cyrus, donne l'ordre de rebâtir le temple. Analeta agizo ya kuyengulula hekalu. L'ordre de rebâtir le temple. Analeta agizo ya kuyengulula hekalu. 536, c'est Cyrus qui donne l'ordre de rebâtir le temple. En 520, les prophètes montent à Jérusalem, la montée des prophètes à Jérusalem. Banabi banaenda ku Yerusalema. En 516, c'est la fin de la reconstruction de la maison de Dieu. Injo mwisho ya kuyengulula nyumba ya Mungu. En 445, tu changes de couleur. Mia ine makumi ine natano ya mwaka. Dans les prédications qui nous ont précédées, nous avons déjà parlé de ces années. Mumaubiri leri tutangulilia tulikuwa naisha semea pa hii miaka 445 mia ine na makumi ine na tano. Le roi Atarzexerxès, Mufalme Atarazex, dont l'ordre d'aller rebâtir la ville, analeta agizo ya kwenda kuyengulula muji, écrivait l'ordre de rebâtir la ville, agizo ya kuyengulula muji ya Yerusalema. Et dans la même année, c'est le début des 70 semaines de Daniel. C'est ça le début des 70 semaines de Daniel. Au côté, à Kuna Mambo, la 70 semaines de Daniel. Mwaka moja moja ile ya mia ine makumi ine na tano, njo mwaka ilianza majuma makumi saba ya Danieli. C'est le début. Njo mwanjo. 445 avant Jésus-Christ. Mia ine na makumi ine na tano mbele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. C'est le début. Njo mwanjo. Des 70 semaines de Daniel. Ya majuma makumi saba ya Danieli. Dans Daniel au chapitre 9 verset 5 et 25 que nous avons lu, tu attends. Mu Danieli sura 9 mstari wa 25 ile tunatoka mkusoma. Sache-le donc et comprends. Oui, Dieu basi na uelewe. Que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, ou à loin. Ya kwamba tangia wakati ile walitangaza ya kwamba watayengulula hekalu kufika na kumasia. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Tu peux effacer. Majuma saba na majuma makumi sita na mbili. Effacer le début, je pense que tout le monde a déjà écrit. Sept semaines plus 62 semaines. Majuma saba uchanga na majuma makumi sita na mbili. Sept semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Majuma saba kuchanga na majuma makumi sita na mbili inaleta majuma makumi sita na tisa. Et les 69 semaines s'accomplit exactement lorsque le Messie est retranché. Non. Majuma makumi sita na tisa, iku na timilika ni wakati Masia. Ça, tu mets seulement la croix, tout le monde. Anatoweka. Le 69 semaines s'accomplit avec la mort du Messie. Majuma makumi sita na tisa, iku na timilika. Pamoja na kufa kwa Masia. Quand le Messie meurt, wakati Masia nakufa, les 69 semaines, majuma makumi sita na tisa, s'accomplissent. Nayo inatimilika wala inenea. Nous avons déjà dit, j'avais dit 66? Non, 69. 69. Donc ça fait 7 plus 62. Ça fait 69. Manake saba kuchanga na majuma makumi sita na mbili inaleta majuma makumi sita na tisa. Le 69 s'accomplit avec la mort du Messie. Majuma makumi sita na tisa iku natimilika wale kunenea wakati Masia nakufa. Nous avons déjà enseigné dans les jours passés que une semaine prophétique est égale à 7 ans. Tulifundisha majuma ilipita ya kwamba juma moja ya unabii maana yake iko pamoja na miaka saba. Lorsque nous prenons, faites le calcul, 7 fois 7, ukifanya hesabu saba kujumulisha na saba, ça donne 49 ans, inaleta miaka makumi ine na tisa. Lorsque vous prenez 62 fois 7, mukifanya makumi sita na mbili kujumlisha na saba, ça donne combien? Inaleta ngapi? 434. inaleta mia ine makumi tatu na ine. Lorsque nous prenons 69 fois 7, ça donne. Tukifanya majuma makumi tisa na tisa kujumulisha na saba. Fois 7. Makumi sita na tisa kujumulisha na saba. Ça donne 483. Inaleta mia ine makumi munane na. Non, 483. Inaleta mia ine makumi munane na tatu. 69 fois 7, makumi sita na ça tisa. Fait 400. Kujumulisha 83. Inaleta mia ine makumi munane na tatu. Depuis l'ordre de rebâtir Jérusalem en 1445. Tangia gizo ya kuyengulula Yerusalema mule mumiaka mia ine makumi ine na tano. Faites 483. Mufanye mia ine makumi munane na tatu. 483. Mia ine makumi munane na tatu. Moins 444. Kutosha mo mia ine makumi ine na ine. Ça fait 38 ans. Inaleta ça mia... fait 38. Inaleta mia... miaka makumi tatu na mnane. De l'ordre de rebâtir la ville. Tangia pale baleta agizo ya kuyengulula muji. Jusqu'à la mort de loin ou du Messie. Kufika na mkufa kwa Masia. Nous sommes en 38. Nous sommes en 38. Tuko na miaka makumi tatu na mnane. Le 38 ans. Ile miaka makumi tatu na mnane. C'est la mort de loin. Jo kufa kwa Masia. Je reprends ce calcul. Minanzulula yesabu. Selon Daniel au chapitre 9, verset 5. Ufuatana na Danieli sura tisa mustari ya tano. Les semaines dont on parle, ce sont les semaines prophétiques. Majuma wanasemea ni majuma ya unabii. Cette semaine sont égales à 49 ans. Manake majuma saba ni pamoja na miaka makumi ine na tisa. Parce que les 7 semaines font 7 fois 7. Kwani majuma saba inafanya majuma saba kujumulisha na saba. Mais les 62 semaines, lakini majuma makumi sita na mbili font 434 ans. Inaleta mia ine makumi tatu na ine ya miaka. Lorsque nous prenons 7 plus 62, tukichugua saba kuchanga na makumi sita na mbili, nous avons 69 semaines jusqu'à loin, jusqu'au Messie. Tunakuwa na majuma makumi sita na tisa kufika na kumasia. Jusqu'à la mort du Messie. Manake kufika na pale Masia alikufa. Maintenant, lorsque nous prenons 69 ans et 69 semaines, majuma makumi sita na tisa fois 7 jours, kujumulisha na masiku saba, nous avons 483 ans. Tunakuwa na mia ine makumi munane na tatu ya miaka. Et pour avoir l'année où le Messie loin a été crucifié, où il est mort. Pakupata mwaka ile Masia balimsulubisha wala kumuua. Nous prenons Les 483 moins 445 qui marque le début de 70 semaines de Daniel. Et nous trouvons que les 69 semaines terminent à l'an 38. C'est l'année dans laquelle Christ, loin, ou le Messie, a été crucifié. Mais maintenant, Jésus-Christ, lui, celui qu'on appelle là, loin, ou le Messie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, yule wanaita Messie wala mpakaliwa mafuta. Jésus-Christ est né, tu prends ça, Jésus-Christ. Arizaliwa. Jésus-Christ est né en l'an 5. Jésus-Christ, manake arizaliwa mumwa katano. L'an 5, mwaka tano, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mwaka ile Jésus-Christ alizaliwa. Mais dans notre calendrier, alakini mukalendari yetu, la naissance de Jésus-Christ uzaliwa kwa Yesu Kristo, a été considérée comme l'an 0. Balichugua sawa mwaka sifuri. L'an 0. Mwaka sifuri. Quand vous prenez 33, mukichugua makumi tatu na mnane, l'année où Christ a été crucifié, ile mwaka ile Kristo balimsulubisha. Non. 38. Makumi tatu na mnane. Quand vous prenez l'an 38 où Christ a été crucifié, kichugua mwaka wa makumi tatu na mnane mule walimsulubisha Kristo na kufa, moins l'an 5, tukitosha mo miaka tano, vous avez utapata 33 ans, miaka makumi tatu na tatu. Vous voyez, les 33 ans, c'est la vie terrestre, c'est la durée de la vie terrestre. La vie terrestre de Jésus-Christ. La vie terrestre de Jésus-Christ. Miaka ile Kristo aliishi. Notez bien. Mushike mzuri. Les 70 années qui furent prophétisées par Daniel. Ile miaka makumi saba Daniel alitabiri. Font 490. Je ne sais pas si les frères vont voir là-bas. Inaleta miaka. Ceux qui écrivent là, on peut effacer. Miaka mia ine na. Effacer au début là. Si tout le monde a déjà écrit ça. Effacer. 70 semaines. Majuma makumi saba. De Daniel. Ya Danieli. Fois 7 jours. Oui, jumulisha masiku saba ya Mungu. 70 années fois 7. Majuma makumi saba. Ujumulishe na masiku saba ya Mungu. 490. Inaleta mia ine na makumi saba ya miaka. Namna ingine ya kusema. Le plan qui est arrêté par Dieu. Mapu ile Mungu alichukua. Pour traiter le salut d'Israël. Dieu a kutumika kwa ajili ya wokovu ya Israeli. C'est en 490 ans. Ni kadiri ya miaka mia ine na makumi tisa ya miaka. Qui représente les 70 semaines de Daniel. Jo yenye kuonesha majuma makumi saba ya Danieli. Donc, vous remarquerez, mutaona ya kwamba, comme on venait de le faire ici, de le dire ici, maka vile tunatoka mkuisema na kufanya hapa, depuis l'ordre, tangia agizo, jusqu'à loin, kufika na kwa mpakaliwa, il y a 483. Ulipita miaka 483. Et souvenez-vous que l'ordre de rebâtir Jérusalem a été donné en 445. Donc, manake, les 69 semaines majuma makumi sita na tisa se termine comme nous l'avons déjà montré là itamalizika paka vile tunatoka mkuyionesha en l'an 38 mumwaka wa makumi tatu na mnane mais alakini comme Jésus lui est né à l'an 5 sawa vile Yesu yeye alizaliwa mumwaka wa tano alors que notre calendrier a consigné ça comme l'an 0 na ile mwaka kalendari yetu inachugua sawa mwaka wa 0 c'est pourquoi nous avons pris joka mana tulichugua l'an 33 mwaka makumi disons l'an 38 mwaka makumi tatu na mnane l'année de la mort de Christ mwaka nye Kristo alikufa. Nous avons retranché avec l'an 5 pour trouver les 33 ans. Vous voyez. Donc, les 69 semaines terminent quand Jésus-Christ meurt au calvaire. Inamalizika ni wakati Yesu Kristo anakufa kwa msalaba. Mais quand vous remarquez, il y a une semaine qui manque. Lakini mkiangalishisha mzuri, mtaona ya kwamba kunakosekana juma moja. Regardez dans Daniel chapitre 9. Tazameni mu Danieli sura yake ya 9. Dans son verset 26. Mustari yake makumi mbili na sita. Après les 62 semaines, kisha miaka makumi sita na mbili, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Masia atatoweka akutakuwa wa kumkombola. Mais regardez le verset 27. Tazameni mustari ya makumi mbili na saba. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanya agano moya nguvu na watu mingi mujuma mzima. Et au milieu de la semaine, na katikati ya juma, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Atasimamisha sadaka na les dévastateurs commettra les choses les plus abominables. Huyu mwaribu, mwaribifu atafanya vitu vya makufuru sana. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Kufika pale na waribifu na ile yote ilichuguliwa sawa mpango ipate kumwangukia ule mwaribifu. Conformément à Daniel chapitre 9 verset 26. Kufuatana na Danieli sura 9 makumi mbili na sita. Lorsque Jésus meurt, le Messie meurt. Wakati Yesu wala Masia anakufa. C'est Dieu qui fait cesser le sacrifice. Jo Mungu atasimamisha sadaka. Mais ici dans Daniel 9, verset 27. Lakini mu Daniel 9 makumi mbili na saba. Ici c'est l'Antichrist qui fait cesser le sacrifice. Hapa ni mupinga Kristo ndio anasimamisha sadaka. Quand Jésus-Christ meurt, wakati Yesu Kristo anakufa, c'est Dieu lui-même qui fait cesser le sacrifice. Ni Mungu yeye mwenyewe anasimamisha sadaka. Wala zabihu. Mais Dans Daniel 9 au verset 27, Alakini mu Daniel sura 9 mstari wa 27, c'est l'Antichrist qui le fera. Ni mupinga Kristo njeye atasimamisha sadaka wala zabihu. Suivez très bien. Mfate mzuri. L'Antichrist fera une alliance avec plusieurs. Mupinga Kristo atafanya agano na watu mingi. Et parmi les plusieurs, il y a Israël. Katikati ya wale watu mingi, muko na Israeli. C'est ce que révèle le verset 27. Jokile kinafunua musare ya makumbi na saba. Ils marcheront ensemble pendant un temps. Watatembea wote pamoja kwa muda fulani. Mais dans un temps, alakini mwakati moja, ingine, au milieu de ce temps-là, katikati ya ile wakati ingine, l'Antichrist va briser l'alliance. Mupinga Kristo atavunja ile agano. Au milieu de la semaine, katikati ya juma, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Atasimamisha zabihu pamoja na sadaka. Vous voyez. Munaona? Ici dans le verset 27. Mumustari ya makumi mbili na saba. Qui parle de Rome, de l'Antichrist. Yenye kusemea Roma wala mpinga Kristo. Précisément de la petite corne. Hakika ni inasemea yule akale kapembe kidogo. Que nous trouvons dans Daniel au chapitre 7. Ile tunakutanisha mu Daniel sura 7. Dans son verset 20, mstari ya makumi mbili, à 21, kufika na makumi mbili na moja. Et sur cette corne, na yule ya pembe kumi, il y avait des yeux et une bouche qui parlaient avec arrogance. Ulikuwa kinywa na kulikuwa macho na kinywa ilikuwa nasema na kiburi. Et une plus grande apparence que les autres. Ile ilionekana zaidi kushindia yingine. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et emporter sur eux. Naliona hii pembe kukombanisha watakatifu na kuwatawala. Vous voyez. Munaona. C'est lorsque maintenant l'Antichrist brise l'alliance. Ni wakati ile mupinga Kristo yeye anavunja agano. Qu'il commence à faire la guerre à Israël. Joananza sasa kumkombanisha Israeli. Jusqu'à ce qu'il le vaincra. Kufika na pale atamuina wala kumtawala. Et Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 42 mois. Yerusalema bataiganyanga kumigu kadiri ya miaka makumi miezi makumi ine na mbili. Selon Apocalypse chapitre 11. Kufuatana na Ufunuo sura 11. Verset 1 à 2 nous lisons. Mstari ya kwanza kufika na ya pili. On me donna un roseau semblable à une verge. Wakanipatia, en disant, ritete yenye kufanana na bakora na kuniambia, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Waamuke na upate kupima hekalu ya Mungu. L'autel, mazabau, et ceux qui adorent. Na wenye kuabudu. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le de côté. Alakini kiwanza ya inje ya hekalu yache pembeni. Et ne les mesure pas. Yayo usipime kamwe. Car il a été donné. Kwani ilipewa. Aux nations. Kumataifa. Et la ville. Namuji. Disons. Elles fouleront au pied la ville sainte. Watakanyanga kumigu muji takatifu. Pendant 42 mois. Kadiri ya miezi makumi ine na mbili. Vous voyez ici, munaona hapa, c'est le temps de la persécution. Ni wakati ya mateso makubwa. Que subiront les Juifs? Ile wayuda watapata. après que l'Antéchrist ait brisé l'alliance. Kisha mpinga Kristo yeye kuvunja agano. Remarquez. Tazameni. C'est ici où la petite corne. Ni pa hii fazi, hii pembe kidogo. Ici où? Hii fazi. Fazi gani? Dans Daniel chapitre 9. Ni mo Danieli sura ya 9. Verset 27. Mustari ya makumi mbili na saba. Partie B. Kipande ya pili. Au milieu de la semaine. Katikati ya juma. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Atasimamisha sadaka na zabihu. Et c'est ici dans Daniel chapitre 9 verset 27. Ni mwaifazi mu Daniel 9 makumi mbili na saba. Où cette petite corne? Jo paifazi pembe kidogo. Que nous avons lu dans Daniel au chapitre 7. Il est tulisoma Daniel sura 7. Verset 21. Mstari makumi mbili na moja. Verset 25. Mstari makumi mbili na tano. Va persécuter les Juifs. Paifazi jo ipembe itateswa wa Yuda. Regardez les 42 mois que nous avons lu là. Tazameni miezi makumi ine na mbili tunatoka mukusoma. Dans une année, mwaka mzima, il y a 12 mois. Muko miezi kumi na mbili. Donc 12 mois est égal une année. Miezi kumi na mbili ni mwaka mzima. Quand vous prenez 12 fois 3, ukichukua kumi na mbili kujumulisha kwa tatu, 12 mois fois 3, miezi kumi na mbili kujumulisha kutatu, ça fait 36 mois. Inaleta miezi makumi tatu na sita. 36 mois, miezi makumi tatu na sita, sont égales à 3 années. Iko pamoja na miaka tatu. Et 6 mois, na miezi sita, équivalent, iko pamoja, à une demi-année. Na kipande ya mwaka. Les 42 mois que nous avons lus dans Apocalypse 11. Miezi makumi ine na mbili tunatoka mkusoma mufunuo kumi na moja. Font seulement 3 ans et demi. Inaleta tu ni miaka tatu na kipande. Et les 3 ans et demi. Na ile miaka tatu na kipande. Montre. Inaonesha. Le temps où l'Antéchrist. Wakati ile mpinga va persécuter les Juifs, atateso wa Yuda, jusqu'à les tuer, kufika na kuwaua. Nous en parlerons encore. Tutaisemezea baadaye. Mzee, tu fais une ligne. Fanye kistari. Tu écris ça. Wandikei. Tu effaces. Que on fait quand même un petit dessin pour que les gens voient. Fatule, tu vois tout autre ou pas tu vois na. Il peut vous aider, donne-moi un crayon. Tachieko, Chaki. Oui. Pour que tout le monde voit quelque chose. Watu wote wapate kuona ko kitu fulani. Ça c'est cette semaine. Majuma saba. Ça c'est 62. Hii ni majuma makumi sita na mbili. Hii ni majuma saba ya kwanza. 62. Ile inafuata majuma makumi sita na mbili. Ici. Kufika hapa. Ya loin. Ni mpakaliwa. Quand loin meurt, wakati mpakaliwa yeye anakufa, nous avons le sept de l'église, tunakuwa na vizazi saba ya kanisa, vizazi saba ya kanisa, et à la fin de cet âge, mwisho ya vizazi saba ya kanisa, il y a l'enlèvement, kunakuwa kunyanyuliwa. Quand nous prenons ça, tukichukua hii, ça fait 69 ans. Makumi saba na makumi sita na bili inaleta makumi sita na tisa ya majiuma. Donc, manake, il y a une semaine qui reste ici. Juma moja tu inabaki. Et ça c'est la fin. Huku ni kumwisho. Kumwisho ya dunia. Les 70 années de Daniel. Miaka makumi saba ya Danieli. Ok. Ici c'est le milieu. Hapa ni katikati. De la semaine. Katikati ya juma. Ça c'est la semaine qui est restée. Hii ni juma moja ilibaki. Ça une semaine. Manake. Moi je n'ai pas une bonne écriture. Hein. Ici mzuri. Nous avons 3 ans et demi. Tukuna miaka tatu na kipande huku. Nous avons là 3 ans et demi. Huku nako tena ngambo ingine miaka tatu na kipande. Nous en parlerons quand nous serons là. Tutaisemezea baadaye wakati utafika pale. Lorsque Christ est mort. Wakati Kristo anakufa. Il a accompli. Les 69 semaines ici. Aritimiza ni majuma makumi sita na tisa. Les Juifs l'avaient rejeté. Walimukata. Après que les Juifs aient rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Kisha Wayuda kumkatala Bwana Yesu Kristo. L'évangile. Injili. Est allé vers les nations. Inaenda sasa kwa watu wa mataifa. Il y a eu maintenant un temps de nations ici. Sasa kukakuwa wakati ya watu wa mataifa. Dans lequel Dieu traite le salut des nations. Mungu anatumika na mataifa juu ya kuwaokoa. Dans cet âge de l'église. Mu vizazi saba de l'église. Kadiri ya vizazi saba ya kanisa. Donc avec la mort. Manake kwanza du Messie, kuanzia mkufa kwa Masia. Lorsque les 69 semaines furent accomplies. Wakati majuma makumi sita na tisa ilimalizika. Dieu a suspendu. Mungu anasimamisha. Les 70 semaines de Daniel. Majuma makumi sita na tisa ya Daniel. À la 69e semaine de Daniel. Ufika tu majuma makumi sita na tisa. Pour introduire le temps des nations. Pia kuanza sasa wakati ya mataifa. Dans lequel on traite le salut des nations. Mule Mungu anatumika kwa ajili ya wokovu ya watu ya mataifa. Parce que le Messie avait été rejeté. Kwani Masia yeye bali mkatala kwa Yuda. C'est lorsque le temps des nations va terminer. Ni wakati ile ya mataifa tamalizika. Ici ce sont les 7 âges. Hapa ni vizazi saba. Les 7 âges de l'église. Ya kanisa. Quand Dieu termine avec les 7 âges de l'église. Wakati Mungu anamaliza na vizazi saba ya kanisa. Il vient chercher son épouse dans l'enlèvement. Anakuja kutafuta bibi yake harusi mkunyanyuliwa. Quand l'église maintenant part. Wakati kanisa tanyanyuliwa. C'est à ce moment-là que Dieu retourne à Israël. Ndio mwile wakati Mungu anarudia tena ku Israeli. Pour achever la dernière semaine qui est restée aux 70 semaines de Daniel. Ndio kumaliza ile juma moja ilibakia kwa majuma makumi saba ya Danieli. Quand vous prenez maintenant ces 69 semaines. Ukichukua majuma makumi sita na tisa. L'autre semaine qui est restée. Kuchanga na ile juma moja ilibakia. 70 semaines. Ndio italeta majuma makumi saba. Qui sont égales à 490 ans. Yenye kwa pamoja na miaka 104 na makumi tisa ya miaka. Depuis l'ordre en 445. Tangia agizo ya kuyengulule hekalu. Ni Jerusalem. Mia ine makumi ine na tano. Jusqu'au Messie. Kufika na kumasia. À la mort du Messie. Kufika na wakati Masia alikufa. Il y a 7 semaines. Kulipita majuma saba. Et 62 semaines. Na majuma makumi sita na mbili. Yenye kuleta 69 semaines. Yenye kuleta yote majuma makumi sita na tisa. Les 69 semaines. Qui font 483, c'est comme ça? Majuma makumi sita na tisa inaleta mia ine na makumi munane na tatu ya miaka. Quand vous prenez les 400 ici, 90. Mukichukua miaka mia ine na makumi tisa. Moins 483. Kuondosha mo mia ine makumi munane na tatu. Vous avez ici, mutapata, une semaine, ça fait combien? Ça fait 7 ans. Juma moja ni. Quand vous prenez 483. Mukichukua mia ine makumi munane na tatu. Ça fait combien? Inaleta ngapi? Ça fait? Kuchanga. 0,94. Vous voyez? Donc, pour que les 70 semaines de Daniel soient complètes, il faut y ajouter une semaine dans laquelle Dieu va traiter avec Israël. Mungu atatumika tena na Israeli. Après le départ de l'épouse, nous allons prendre les écritures et vous verrez cela. Donc, tout ce qu'on vous expliquait par la Bible, on voulait vous faire ces graphiques pour que vous ayez un peu une image. Le début, c'est 445. Le sept semaines était nécessaire pour la reconstruction du temple et de la ville. Nous parlerons de la question que les pharisiens avaient posée à Jésus pour dire que quand Jésus dit détruisez ce temple et dans 3 jours je vais le relever, les pharisiens disent qu'il a fallu 46 ans pour construire ce tabernacle. Et vous, dans 3 jours, vous allez le relever. Vous voyez. Pourquoi ils ont parlé de 46 ans? C'est parce que, mais quand vous prenez 7x7, comme nous l'avons déjà fait, ça fait 49 ans. Mais pourquoi ont-ils parlé de 46 ans? C'est parce qu'il y a eu 3 ans d'arrêt des travaux. Quand nous avons parlé d'Ezra, quand les ennemis ont attaqué Israël, et ils ont écrit de fausses lettres pour les accuser comme un peuple rebelle, les travaux de la construction s'étaient arrêtés, ils ne faisaient rien. Vous voyez maintenant, quand Darius avait donné l'ordre de rebâtir le temple, ils ont recommencé après 3 ans d'arrêt. C'est ainsi, quand vous prenez les 7 ici, vous prenez les 49 qui font 7 semaines, moins 3 ans, vous avez les 46 ans. C'est là où vient les 46 ans que les Juifs, que les pharisiens montrent à Jésus pour lui dire non, il a fallu 46 ans pour bâtir. Maintenant, les 3 ans ici, dans la construction, en réalité, le tabernacle et la ville ont été construites en 49 ans. Voyez, parce qu'il y a eu il y a 3 ans qui se sont écoulés parce que les travaux s'étaient arrêtés. Mais quand ils ont recommencé jusqu'à l'achèvement de tout, maintenant, ils sont allés à 49 ans. Les travaux eux-mêmes effectifs ont fait 46 ans, plus les 3 années d'arrêt, ça fait 49 ans. L'Église est avec moi. Je reprends. Depuis l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, jusqu'à la mort du Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc 62 semaines plus 7, ça fait 49 semaines. Ça fait 69 semaines. Les 69 semaines s'accomplissent avec la mort du Messie. Quand le Messie meurt, les 69 semaines s'accomplissent. Et quand le Messie meurt, il n'a plus de successeur. C'est ainsi que Dieu abandonne Israël. Il jette le regard parmi les nations. Sasa yeye anaangalia macho yake kwa mataifa. Pour y chercher un peuple qui portera son nom. Taifa ile itachukua jina lake. Vous voyez? Mnaona? Et Dieu cherche ce peuple là. Mungu anatafuta ile watu. Pendant les 7 âges. Kadiri ya quand Dieu traite avec les nations pendant 7 âges. Wakati Mungu anatumika na mataifa. Il met à la touche Israël. Anaweka pembeni Israeli. Il a arrêté. Alisimamisha. Ces 70 semaines. Majuma makumi. À la 69e semaine. Muma juma makumi sita na tisa. C'est lorsque Dieu termine maintenant. Ni wakati Mungu anamaliza. Avec les nations pendant les états de l'église. Na mataifa mule kadiri ya bizazi saba kanisa. Termine avec l'enlèvement de l'épouse. Inamalizika na kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Et quand l'enlèvement de l'épouse se fait. Wakati kunyanyuliwa kwa bibi harusi anafanyika. Dieu n'a plus à traiter avec les nations. Mungu hana tena na cha kutumika na mataifa. C'est à ce moment-là. Ni mwile wakati sasa. Il y a un reste sawa vile kuku mabaki qui doit recevoir le salut. Bale banapasi na boba okolewe. Dieu retourne maintenant à la dernière semaine. Mungu anarudia sasa kuile juma ya mwisho. La dernière semaine fait 7 ans. Ile juma ya mwisho inaleta miaka 7. Parce que ce sont des semaines prophétiques. Juni ma juma ya unabii. Maintenant quand l'enlèvement s'est fait. Wakati kunyanyuliwa kunafanyika. Dieu retourne maintenant à Israël. Mungu anamrudiria Israeli. Pour terminer la dernière semaine qui restait. Dieu akumaliza ile juma moja ilibakia. Au 70 semaines de Daniel. Majuma makumi saba ya Daniel. Parce qu'il avait arrêté le plan à 69 ans. Bani alisimamisha mapla yake majuma makumi sita na tisa. Maintenant pendant cette dernière semaine ici. Sasa mwi juma ya mwisho hii. Elle est divisée en deux. Bana igawanya vipande mbili. C'est pendant cette semaine ici. Que l'Antichrist fait une alliance pour une semaine. Et au milieu de la semaine, l'Antichrist brise l'alliance avec Israël. Vous voyez? Et quand il brise l'alliance avec Israël, la persécution commence. Sasa mateso makubwa inaanza. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. Quand vous lisez Frère Branham. Ukimusoma ndugu Branham. Il a souvent dit. Kila mara kuna sema. Que Jésus-Christ a prêché 3 ans et demi. Ya kwamba Yesu Kristo alihubiri miaka 3 na kipande. Mais il reste encore 3 ans et demi. Lakini kuna bakia tena miaka 3 na kipande ingine. Pour Israël. Pour le salut d'Israël. Dieu a okovu ya Israeli. Mais quand vous regardez dans la Bible. Alakini mukiangalia mzuri mbiblia. Il n'y a pas une prophétie. Amuna tabiri hata moja. Hakuna unabii. Hakuna unabii hata moja. Il n'y a pas une prophétie dans la Bible qui dit. Amuna unabii hata moja nasemewa mbiblia. Que Christ. Ya kwamba Kristo fera une alliance tafanyaka agano pour une semaine mukadiri ya juma mzima. Cette écriture là c'est cette prophétie là n'existe pas. Ile unabii haipatikane mbiblia. Que ça soit dans le Nouveau Testament. Ikiwa mwagano jipya. Que ça soit dans l'Ancien Testament. Wala mwagano la kale. L'écriture ici. Andiko hapa. De Daniel chapitre 9. Ya Danieli sura 9. Dans le verset 27. Mstari wa 27. Parle de l'Antichrist. Inasemea yule ya mpinga Kristo. Qui fera l'alliance avec Israël. Ule atafanya agano na Israeli. Après le départ de l'épouse. Kisha kuenda kwa bibi harusi. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Ici. Hapa. Jésus est déjà venu. Yesu ya anesha kujaka zamani. Il est déjà parti. Na anesha enda. Mais, alakin, de l'ordre jusqu'ici, tangia agizo kuyengulura kufika na hapa, il n'y a aucun verset qui dit hakuna mstari hata moja ya Biblia inasema que le Messie ferait une alliance ya kwamba Masia atafanyaka tena agano qui serait brisé une alliance d'une semaine agano ya juma mzima qui serait brisé ile batavunjaka katikati. Non bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non bien-aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Ça n'existe pas. Ainako. Frère Branham en parlait seulement pour faire alliance Dieu, et allusion Dieu à ces 3 ans et demi. Dieu a connu ce qu'il y a 3 ans et demi. Vous voyez. Munaona. Il y a des gens qui disaient non, non. La Bible dit, Jésus a prêché 3 ans et demi. Mais il n'y a pas dans la Bible un verset qui dit que Jésus-Christ a prêché 3 ans et demi. Qui a déjà lu ce verset? Il n'existe dans la Bible aucun endroit où la Bible affirme que Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Jésus-Christ n'est pas mort à 33 ans et demi, non? Si les gens appliquent ce verset ici à Jésus-Christ, ils commettent une grosse erreur. Le même verset ne peut pas parler de Christ et de l'Antichrist en même temps. J'y reviendrai. Voyez bien mes frères. Maintenant, comprenez que ce que Dieu lui fait est exact. Mais dans tout ça, notre intérêt c'est quoi? C'est voir où est-ce que nous nous trouvons avec notre salut. L'enlèvement marque le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui nous sommes où? Regardez, nous nous sommes ici. Voyez, nous sommes ici. Et nous ne sommes pas ici au début de l'âge. C'est ici au début de l'âge de l'Odyssée que le Saint-Esprit est tombé comme je vous l'ai montré hier ici. Mais aujourd'hui, en 2021, regardez, nous sommes, on ne sait pas à quelques poussières du retour du Seigneur. Donc, d'abord, Israël lui-même est déjà dans sa patrie, en train d'attendre le Messie. Le Messie ne viendra pas ici. Le Messie, comme nous allons le montrer, va se révéler ici au milieu. Je n'ai pas encore parlé de ça. Je fais seulement cette graphique pour vous montrer. Pour que vous ayez l'idée de ce que nous disons. Vous voyez. Jésus-Christ va se révéler ici au Messie. Il va se révéler ici à Israël. Parce qu'après l'enlèvement ici, il y a les deux témoins qui viennent pour appeler les 144 000. Parce pendant cette période, c'est pendant la période de la paix. Vous voyez. Et ici, le temple sera reconstruit. Le temple que Titus là avait brisé sera construit ici pour que l'adoration recommence. Vous voyez, ça sera pendant le temps d'alliance. Israël est dans l'alliance de la paix avec Rome. Et on les laisse, je vais expliquer tout ça. Alors, on va les laisser construire la maison. Et ils vont commencer à adorer librement. Et arriver ici, c'est après que le temple soit reconstruit, on va briser l'alliance ici. Après avoir brisé l'alliance ici, c'est à ce moment-là que il y aura maintenant, d'abord les Juifs croiront à un faux Messie. Et par après Christ lui-même descendra du ciel pour se révéler à Israël. Nous allons en parler avec des détails. Et ici c'est un temps de trouble où il y a la persécution. Donc la dernière semaine, va s'accomplir, va s'accomplir avec le départ de l'épouse. Quand l'épouse part, maintenant la dernière semaine commence. Vous voyez, c'est la chose que je voulais un peu dire ici avant d'évoluer. Ni mambo na lipenda kusema ju mbele ya mimi kuendelea. Donc notez cela. Mwishike. Parce que nous y reviendrons. Kwani tutarudiriamo. Cette semaine, Majuma Saba, 62 semaines, Majuma Makumi Sita na Mbili, le Messie est tué, Masia wanamuua, il n'a pas de successeur, ana na wakumi kombola. Dieu introduit les âges de l'Église Mungu pour le salut des nations. Ma vizazi saba ya kanisa juu ya wokovu ya mataifa. À la fin de l'âge de l'Église. Kumwisho ya vizazi ya kanisa. À ce moment-là, l'enlèvement s'est fait. Mwile wakati kunyanyuliwa kunafanika. Et quand l'enlèvement s'est fait, wakati kunyanyuliwa kunafanika, la grâce maintenant retourne à Israël. Neema inarudilia Israël. C'est pour achever juu ya kumaliza cette semaine qui est restée aux 69 semaines. Ile juma moja ilibakia kuma juma makumi sita na tisa. Et la dernière semaine ici qui est restée. Na ile juma moja ilibakia. Après le départ de l'épouse, vous voyez, unaona, maintenant, sasa, quand la dernière semaine commence, wakati juma ya mwisho inaanza, là, il y a Élie et Moïse qui descendent. Pale kutakuwa Elia na Musa watashuka. Pendant la période de la paix, wakati ya salama, où Israël reconstruit le temple, ule Israël atayengulu le hekalu, et par leur prédication, na kupitia maubiri zao, 144 000 Juifs seront scellés. 144 000 ya Wayuda watatiwa muri. Quand les 144 seront scellés, wakati watatiwa muri, au milieu de la semaine, katikati ya juma, l'Antichrist brise l'alliance, mpinga Kristo atavunja agano, avec Israël, na Israeli, le temps de la persécution maintenant commence. Wakati ya mateso makubwa sasa inaanza. C'est pendant la persécution que les Juifs seront tués. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On s'arrête ici, on va continuer. Tunasimamia hapa, tutaendelea. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez votre question. Kama uelewe kitu fulani, wewe uandike tu ulizo yako. Mais nous allons y revenir. Lakini tutarudiriamo. Pour encore en parler davantage. Ya kuisemezea tena na upana. Donc les 70 semaines majuma makumi saba font 490 années yayo inaleta mia ine qui donne la totalité des 70 semaines de Daniel, wingi yote ya majuma makumi saba ya les Daniel. Années dans lesquelles Dieu devait traiter le salut d'Israël. Mumiaka mule Mungu alipashi kutumika juu ya wokovu ya Israeli. Parce que les 70 années, wani miaka makumi saba, c'est parle du plan de la rédemption d'Israël. Ça ne concerne pas les nations. De l'ordre en 445 jusqu'à la mort de loin, nous avons 438 ans. Et les 69 semaines na, majuma makumi sita tisa, se terminent en l'an 38. Ikuna malizika mumwaka wa makumi donc, tatu na mnane. Ici, Jésus-Christ est mort ici en l'an 38. Manake Yesu Kristo alikufa mwile mwaka makumi tatu na mnane. Mais comme lui, il est né sawa vile alizaliwa en l'an 5, mwaka tano, et l'an 5 a été considéré na, comme l'an 0, mwaka tano ilichuguliwa sawa mwaka wa sifuri. C'est pourquoi nous prenons 38-5 makumi tatu na mnane qui donne maintenant tano, 33 inaleta makumi tatu na tatu. L'année dans laquelle mu miaka mule Jésus-Christ est mort. Jo miaka ile Yesu Kristo, vous voyez, aliishi nayo il anakufa. Est mort en l'an 33, alikufa mwaka makumi tatu na tatu, vous voyez. Munaona. Et ce sont ces années-là qu'il a vécu sur la terre. Njoo ile miaka makumi tatu na tatu aliishi pa dunia. C'est pourquoi même les gens, même na les incrédules, wakutokuamini, ils croient toujours au Seigneur Jésus. Wanamwamini tu Bwana Yesu. Même sans le savoir. Ata bila boku jua. Parce que Jésus-Christ comme Dieu, wani Yesu Kristo sawa Mungu, il est le centre de toute l'humanité. Yeye ndio iko katikati. Regardez comment les gens comptent. Ulimwengu mzima. Quand on arrive ici à la naissance, tunafika pa kuzaliwa, nous comptons maintenant ici. J'ai fait quelque chose là. Mettons ici comme l'an zéro. Tuandike sawa mwaka sifuri. Ah, quelque part ici. Fazi fulani. C'est l'an zéro. Ni mwaka sifuri. Maintenant, les gens commencent à compter. Watu wananza ici kuhesabia. On comptait. Uku kote wako na hesabia. Avant Jésus-Christ. Ni mbele ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Avant sa venue, on compte mbele avant Jésus-Christ. Yesu Christ, wanasema ni mbele yake. Après sa venue, on compte kisha kuja kwake, après, wanaanza kusema ni kisha, après Jésus-Christ. Kisha Yesu Christ. Parce que Christ, lui, wani Christ yeye, il est le centre, yeye ndio yuko pakatikati, de l'histoire de l'humanité. Ya hadisi yote ya watu. Pour montrer que c'est lui qui est à la commande de toutes choses. Yeye ndio anaongoza kila kitu. On ne compte jamais l'an zéro avant Mahomet. Mwaka sifuri kwanza kwa Mahomet ainako. L'an zéro mwaka sifuri mbele ya après Bouddha. Kisha kuzaliwa kwa Bouddha haifanikani. Même les musulmans, hata même les bouddhistes, hata wa bouddhistes, toutes les religions, madini lote, ils font référence à Jésus-Christ wanamwangalilia paka parce Yesu. Que c'est lui qui est le véritable Dieu. Wani yeye ndio Mungu wa kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lève-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Je reviendrai sur certaines choses, ne vous en faites pas. Tarudiria mubitu vingine musikuwe na wasiwasi. Je voudrais seulement que vous ayez l'image. Nalipenda tu mukuwe na picha na wazo yote. Ah, si vous n'avez pas bien écrit. Kama wewe waandike mzuri. Je pense que dans mes notes c'est plus clair. Na wazia mu maandiko langu iko wazi. Ah, vous pouvez prendre mes notes. Unaweza kuchukua maandiko yangu makaratasi yangu. Et copier cela ou à défaut. Muichugue. Ou à défaut les administrateurs peuvent me voir. Wazamini wanaweza kuniona. Ils peuvent photocopier ça. C'est wanaweza tena kujumlisha makaratasi yangu jua watu wote wasiandike vibaya. Parce que vous aurez exactement. Wakati, vous verrez comment les calculs ont été faits. Utaona namna kani tulifanya mahesabu. Ah, on va vous imprimer cela. Batamiandikia hiyo kwa mashine. Ah, vous les aurez comme mutaipata sawa makaratasi pa kuangalilia. Tuombe sisi wote pamoja.